Alors bonjour à tous, Jean-Robin journaliste. Je fais des vidéos réservées aux souscripteurs sur l'infiltration de la Chine communiste dans le monde et les institutions internationales, son déclenchement de la Troisième Guerre mondiale par une attaque biologique et ses conséquences. Et aujourd'hui, je fais une vidéo publique sur l'analyse du rapport de l'IRSEM sur justement la mainmise de la Chine communiste sur le monde. Alors je vais commencer par les faits, et puis ensuite je vous donnerai mes commentaires. Alors les faits, c'est que, comme France Info l'indiquait le 20 septembre dernier, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, IRSEM, un organisme parapublic, donc qui dépend de l'école de guerre, publie un rapport de 650 pages d'une ampleur sans précédent sur les réseaux d'influence de la Chine dans le monde. Un rapport de l'IRSEM montre l'ampleur des réseaux développés par la Chine en l'espace de quelques années. Ce travail, que la rédaction internationale de Radio France a pu consulter en avant-première, est dévoilé lundi 20 septembre, au moment où, après l'épisode des sous-marins australiens, la France s'interroge sur son positionnement géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Fruit de 2 ans de travail, le rapport met notamment en lumière plusieurs opérations chinoises de désinformation, des réseaux tous azimuts avec d'innombrables acteurs et une professionnalisation ultra rapide. Il y a bien sûr des relais classiques et légaux, les diasporas, les diplomates, les universités, le soft power, comme le cinéma. Et il y a des opérations beaucoup plus troubles de désinformation à grande échelle, par exemple à Taïwan, en Suède, ou sur le Covid, avec parfois des millions de personnes impliquées dans les opérations de fake news. La France n'est pas une cible prioritaire, si l'on en croit ce rapport, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, où les réseaux chinois soutiennent les mouvements indépendantistes, avec l'espoir de rattacher le territoire à la zone d'influence de la Chine dans le Pacifique, tout en captant ses ressources de nickel. Sur le territoire métropolitain, le rapport pointe les liens de certaines maisons d'édition, fondations ou think tanks avec Pékin. La maison d'édition La Route de la Soie et sa revue Dialogue Chine-France, éditée par un organisme lié au PCC, le think tank de Bridge Tank, qui organise des événements financés par l'ambassade de Chine, la fondation Prospective et Innovation, présidée par Jean-Pierre Raffarin, le think tank Iris, qui, sur certains événements ponctuels, fait la part belle aux positions de Pékin. Alors, ça, ce sont les faits, alors, tels que donnés par France Info. Donc, déjà, le fait que de nombreux grands médias parlent de ce rapport doit porter et pousser à la méfiance, parce que moi, les grands médias ne disent rien sur mon travail, qui est pourtant très critique du Parti communiste chinois. Alors, il faut se demander pourquoi ils parlent de ce rapport et pas de mon travail, et en général, ne critiquent jamais le Parti communiste chinois. Donc, la raison, elle en est simple, c'est qu'à part ce que dit France Info sur l'influence du Parti communiste chinois en France, c'est-à-dire très légèrement, il parle très légèrement d'un think tank, Bridge Tank, franchement, c'est rien du tout. L'IRIS, c'est tout à fait secondaire. La Fondation Prospective et Innovation aussi, même si Jean-Pierre Raffarin, lui, est central. Et donc, la première chose, moi, que j'ai à dire, c'est qu'il n'y a rien du tout dans ce rapport sur les principaux clubs d'influence du Parti communiste chinois en Chine que j'ai révélés. Que ce soit la France China Foundation, qui est le principal, mais aussi le Paris Shanghai Club, qui est le deuxième plus important et qui compte 1200 membres, et certainement plus depuis ce chiffre qu'ils ont annoncé il y a 1 an, avec de nombreux militaires, mais aussi la Fondation France-Chine, le Chinese Business Club, le Comité France-Chine, qui rassemble 3/4 du CAC 40 et de grandes ETI. Donc là, il y a un vrai trou, si vous voulez. En plus, il raconte que la France n'est pas une cible prioritaire. Alors ça, c'est de la vraie désinformation. J'y reviendrai. Donc voilà pourquoi les grands médias français en parlent. C'est que eux-mêmes ne sont pas mis en cause à aucun moment, alors qu'ils collaborent de différentes façons. Ce qui n'est pas rappelé dans le rapport. La France, généralement, est épargnée par ce rapport, et c'est logique, puisque il est fait par l'État français, il est commandité par l'État français. Donc l'État français ne va pas se mettre en cause dans ce rapport, et c'est même une opération de diversion, puisque tout en dénonçant la désinformation du Parti communiste chinois, l'État français, par ce rapport, fait diversion de sa propre implication, pour ne pas dire collaboration avec le Parti communiste chinois, et donc c'est une désinformation là aussi. Vous voyez? Donc on fait des tartines sur une revue très secondaire comme Dialogue France-Chine, ce qui lui fait plutôt de la publicité vu son peu d'audience, mais rien sur les gros bonnets de la collaboration. Raffarin est cité concernant la Fondation pour l'innovation, je vous disais, mais c'est le moins influent des clubs qu'il a créés. Rien sur la fondation, la France China Foundation qu'il a créée et dont il est membre du conseil stratégique, et rien sur le Paris Shanghai Club. C'est quand même hallucinant. Vous avez Thierry Breton qui est membre du Paris Shanghai Club. C'est le seul commissaire européen français et qui est à la manœuvre dans beaucoup de choses. Vous avez Valérie Pécresse qui est membre du Paris Shanghai Club. Elle est candidate à l'élection présidentielle, c'est pas rien. Vous avez Elisabeth Borne qui est membre du Paris Shanghai Club. Et la France China Foundation, et vous avez des ministres comme Véran, Djebari, et aux membres du Conseil stratégique, vous avez Édouard Philippe, Alain Mérieux, Laurent Fabius, qui a récemment, qui est président du Conseil constitutionnel et qui a eu une importance cruciale le 5 août dernier. Donc, l'IRSEM, c'est l'État français. Et donc, ils n'ont pas envie de dévoiler à quel point l'État français est infiltré par l'ennemi. Là, c'est très clairement une manipulation. Donc, évidemment, le bon côté de ce rapport, c'est que ça valide beaucoup de mon travail que je fais depuis plus d'un an et demi. Et donc, c'est repris dans la presse parce que c'est officiel, ce sont des universitaires, etc. Mais ils ne disent pas l'essentiel. C'est-à-dire, il n'y a pas un mot non plus sur l'attaque biologique lancée par la Chine communiste contre le reste du monde et contre la France. Ça, c'est quand même hallucinant. C'est une des principales choses. Sinon, s'il y avait une seule chose dans ce rapport, ça devrait être celle-là. Eh bien, il n'y en a pas un mot dessus. Donc l'un des auteurs, le docteur Charon, a été chercheur associé à l'antenne franco-chinoise de sciences humaines et sociales à l'université Tsinghua à Pékin pendant 3 ans. Et il prépare actuellement une habilitation à diriger des recherches en études chinoises. Il enseigne à Sciences Po Paris. Donc voilà, tout ça vous fait dire que c'est pas très objectif. Sciences Po Paris est infiltré à mort par le Parti communiste chinois. Ils ont des partenariats un peu partout en Chine. Et donc, ils peuvent rien dire de dérangeant réellement, notamment sur la collaboration entre l'État français et la Chine communiste. Donc, à mon avis, c'est même un rapport qui a été commandité par la Chine communiste, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que, en fait, ce rapport ne révèle rien de particulier. Tout ce qui figure, on le savait déjà plus ou moins quand on avait creusé la question. Et mes souscripteurs, par exemple, n'ont pas appris grand-chose s'ils ont lu ce rapport du début à la fin, comme je l'ai fait. Alors, je vous lirai quand même un certain nombre d'informations nouvelles, mais sur 650 pages, il n'y a quasiment rien de... Il n'y a aucun scoop, si vous voulez. Donc ça, c'est un problème, puisque c'est pas ce qu'on attendait d'un tel rapport, qui nous est présenté par beaucoup comme étant... quelque chose de très important, de très nouveau. Non, en fait, c'est une opération de désinformation, je le dis et je le répète, parce que, par exemple, sa conclusion est explicite. En résumé, je vous cite, « En résumé, la prise de conscience en France des risques posés par l'influence chinoise est vive et croissante depuis 2019, avec une nette accélération 2020-2021. C'est dans son contexte de réveil français qui semble désormais irréversible que s'inscrit la publication du présent rapport » en septembre 2021. Donc, ça, c'est un fait. Et donc, quand il y a cette prise de conscience, la Chine communiste ne peut pas rester sans rien faire. Donc, elle allume des contre-feux. Et ça, c'est un contre-feu. C'est-à-dire, oui, on admet qu'il y a, par exemple, 20 millions de Chinois qui postent régulièrement sur les réseaux sociaux pour influencer dans le sens de la Chine communiste les conversations, mais ça on le savait déjà, c'est l'armée de 50 Cent, donc on concède des choses qu'on sait déjà pour mieux manipuler en fait l'opinion publique par les grands médias qui sont les caisses de résonance habituelles de cette manipulation. Donc c'est assez subtil, mais il faut comprendre ce qu'est la désinformation, et ce rapport prétend dénoncer la désinformation alors qu'il en est lui-même une. Donc, c'est une opération de désinformation de l'État français pour faire diversion de sa collaboration avec le Parti communiste chinois, en faisant mine de la dénoncer, alors qu'en fait, ils n'en disent quasiment pas un mot. Ils dénoncent la manipulation pour mieux la pratiquer eux-mêmes. Rien sur l'attaque biologique, je répète, alors que c'est le minimum qu'on attend d'un organisme dépendant de l'école de guerre. Là, on est en guerre, justement. On nous a déclaré la guerre. Ils n'en parlent pas. C'est quand même hallucinant. Mais justement, ce rapport est fait pour cacher cette attaque biologique par de la désinformation, en disant, bah regardez, on a parlé de l'influence de la Chine communiste. Voilà, donc on a fait le boulot. Et donc, dormez tranquille, braves gens, et même, comme j'ai pu l'entendre par certains, croyez que la France est du bon côté, du côté de la résistance, bien sûr. Ah, c'est ça. alors qu'elle collabore à fond, ce que le rapport ne vous dit pas. Et le rapport ne parle que de la désinformation du Parti communiste chinois pour faire croire que le virus vient des États-Unis, employant ainsi une technique russe, donc ça c'est bien, mais ça suffit pas. L'attaque biologique, il n'y a pas un mot là-dessus, alors qu'elle est clairement établie, notamment par mes enquêtes. D'ailleurs, aucune mention de mon travail d'enquête n'est fait dans ces 650 pages, mais on cite les chercheurs reconnus par le système et qui n'apportent rien de spécial, qui sont tièdes comme la mort. Vous savez, Dieu vomit les tièdes. Hein. Donc, il ne faut pas douter un seul instant que mon travail est scruté à la loupe par les gens de l'armée, des services, de l'appareil d'État en général, pour savoir ce que je sais et ce que je divulgue à la population. Et on se garde bien d'en parler. Moi, je communique énormément sur les réseaux sociaux. Je suis passé quand même dans quelques médias. Et je sais que je suis suivi par tous ces gens-là, plus ou moins directement. C'est-à-dire certains sont souscripteurs, carrément, bah, pour avoir accès à mon contenu payant. D'autres... Alors, est-ce que je suis suivi plus précisément, j'en sais rien. Je prends toutes les précautions, mais au bout d'un moment, quand vous avez l'État qui s'intéresse à vous... Et voilà, je sais que les services sont divisés, parce que certains, on l'a vu avec l'histoire des sous-marins australiens, certains savent que à ne pas connaître l'ennemi, eh bien, on perd énormément de choses. Donc vous avez une partie des services très minoritaire pour l'instant qui est anti-parti communiste chinois, et la majorité qui suit évidemment le pouvoir, Macron et compagnie, qui sont à fond pour le Parti communiste chinois. Alors, j'ai parlé de la plupart des choses qui se trouvent dans ce rapport. Voilà ce que j'ai appris, notamment, alors je n'ai pas appris grand-chose, mais sur QAnon, par exemple, le rapport explique qu'un rapport, un autre rapport, du Sufan Group, affirmait que depuis mars 2020, la Chine était l'acteur étatique le plus impliqué dans l'amplification des récits de la mouvance conspirationniste QAnon. Donc, moi, j'ai par d'autres sources la preuve que c'est un psyop, comme on dit, une attaque psychologique du FBI pour justement endormir les patriotes américains et leur faire croire à des lunes via Trump notamment. Donc ce qui remet en cause le rôle de Trump d'ailleurs, j'en ai déjà parlé souvent. Et donc là on apprend qu'en plus la Chine soutient à bout de bras ce mouvement et lui donne une ampleur maximum. Donc ça veut dire que ça arrange ses intérêts. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui l'a créé. Mais ça veut dire que ça arrange ses intérêts, sachant que la Chine a quand même infiltré le FBI et la CIA depuis les années 80, et donc ça serait pas étonnant non plus qu'il l'ait, sinon créé, en tout cas largement inspiré. Et puis, autre information intéressante, sur la chaîne RT, donc Russia Today, et son activité sur les réseaux sociaux, dit le rapport, qui est régulièrement cité comme un modèle à suivre dans la littérature militaire chinoise. D'accord ? Des membres de l'Université de la Défense Nationale la comparant à un porte-avions de propagande. Donc, ça c'est très important aussi, j'ai fait toute une vidéo publique à laquelle je vous renvoie sur RT France et Spoutnik, que j'appelle Télépoutine, puisque la Russie est l'allié stratégique de la Chine communiste. Poutine a félicité directement. Là, il n'y a pas un mot d'ailleurs non plus sur le centenaire du Parti communiste chinois et tous les pays qui ont félicité, dont la France, hein, avec 10 personnalités, ce qui nous place au quatrième rang mondial. Il n'y a pas un mot là-dessus, moi je suis le seul à avoir enquêté là-dessus. Donc vous voyez, ce n'est pas un rapport sérieux, malgré son apparence de sérieux, évidemment, c'est vrai qu'ils sont très forts pour les apparences, mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien de sérieux dans ce rapport qui puisse informer le grand public de la réalité. C'est ça qu'on leur demande à ces universitaires, ils sont payés pour ça. Mais voilà, follow the money, ils sont payés par le gouvernement français, qui collabore à fond avec le Parti communiste chinois et qui veut faire diversion de cette collaboration en disant « Mais non, regardez, nous les dénonçons. » Donc là aussi, je suis à peu près certain que la Chine communiste, si ce n'est est à l'origine de ce rapport, au moins a donné son feu vert. Voilà. Parce que ça les arrange, en fait, de passer pour les victimes, une fois de plus, alors que rien de spécial n'est révélé. Je peux vous dire que s'ils avaient repris ne serait-ce que 10% des informations que j'ai révélées, ce rapport serait absolument explosif et aucun média n'en parlerait, évidemment. Donc, voilà. Ma conclusion, c'est que ce rapport, malgré le fait qu'il n'apporte pas grand-chose de nouveau par rapport à mon travail, et qu'il soit une opération donc, de désinformation pour protéger l'État français de sa collaboration avec la Chine, et pour faire diversion de l'attaque biologique du Parti communiste chinois ayant déclenché la Troisième Guerre mondiale, Bah, il donne malgré tout du poids à mes enquêtes depuis mars 2020 que j'ai réalisées sans argent public et en donnant les véritables informations à mes compatriotes pour qu'ils sachent ce qu'il en est afin de prendre les meilleures décisions possibles pour eux, leurs familles, leurs enfants, leurs proches et leurs patriens. Je rappelle que c'est ça le but du journalisme, c'est d'informer les citoyens qui n'ont pas forcément le temps, l'argent et l'énergie de s'informer par eux-mêmes parce qu'ils ont un métier, ils ont une famille à s'occuper, etc. Ils ont leurs problèmes. Donc le journalisme est là pour être le contre-pouvoir du pouvoir, ce que n'est pas du tout ce rapport. Donc ce rapport, il montre qu'on ne peut plus faire comme si la Chine n'existait pas, donc ça c'est bien. On ne peut plus ignorer l'éléphant qui est dans le salon. Mais il ne dénonce pas la Chine comme étant la nouvelle Allemagne nazie qu'il faut à tout prix combattre et détruire. Et donc ça sera vu dans l'histoire de notre pays comme un acte de collaboration et de désinformation. Bien que ce rapport puisse être considéré aujourd'hui comme un acte de résistance. Mais noyer le signal par le bruit, c'est une technique classique de manipulation et de désinformation qui ne doit pas nous faire tomber dans le panneau. Alors tout comme le site Thinkerview ne doit pas nous faire tomber dans le panneau non plus. Il ne parle jamais de la Chine communiste, alors qu'ils sont très axés sur la géopolitique, la géostratégie et tout ça. Et quand ils en parlent, c'est pour recevoir, comme récemment, l'ambassadeur de Chine en France, le faire réagir à ce rapport. Ça énerve le coq. Donc ils ont fait réagir l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shui, à ce rapport. Ils lui ont laissé dire des mensonges éhontés en boucle, qu'il a enfilés comme des perles, tous plus gros les uns que les autres, sans jamais le reprendre ou insister pour connaître la vérité. Et pendant ce temps, ce site me censure, comme les autres, alors que je suis le seul à faire le boulot. Donc il faut rester quand même positif, donc j'en garde l'aspect positif de ce qu'on peut en extraire, mais c'est en aucun cas un document fondateur de la résistance française au Parti communiste chinois, dont nous pourrions nous réjouir, ni sur lequel nous appuyer pour la suite. Mon travail d'enquête, par contre, et le travail de ceux qui me soutiennent, comme le site Les Amis français du Parti communiste chinois, anti-PCC ou encore Répondre aux marxistes, sont bien plus fondateurs et sérieux que ces travaux d'universitaires qui n'ont pas dit ce qu'ils savaient. Ça, c'est grave. C'est un crime même pour un universitaire comme pour un journaliste et d'autres professionnels dignes de ce nom, car tous les journalistes en France qui sont spécialisés sur la Chine communiste ne disent pas ce qu'ils savent et que moi j'ai révélé, notamment tous ces clubs d'influence et tous ces liens de collaboration entre le Parti communiste chinois et la France. Voilà, merci pour votre attention, j'espère vous avoir un peu éclairé et une fois de plus vous avoir donné un autre son de cloche que ce que vous pouviez lire ou entendre un peu partout. Portez-vous bien, gardez la foi, vive la Nouvelle France libre et le Christ Sauveur. Au revoir.